tellement l'amour pour voir. Entre vite qui calme un décomblé. Et l'homme qui a envie caresser. Ni trop lent, toi tu es moins négligé. Ni tellement longtemps moins caché. Merci. Tellement